Ce soir j'ai envie de tout détruire. J'ai envie que tu te casses, de crever. J'ai envie de mettre mes tripes à cuire dans un enfer dont on ne peut rien enlever. Ce soir j'ai envie de lâcher prise, de me rendre seul sur une banquise et de foutre ma bite dans la glace pour qu'elle oublie ses désirs salaces. Faut que rien ne veille en moi, reprendre la tragédie. J'ai